podcast France Culture. My name is Christian Lindmeier and I'm welcoming you to today's briefing. To today's global COVID-19 press conferences. On the podium today, we have, of course, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General. Dr. Mike Ryan, Executive Director. La grande peste, l'empreinte d'une tueuse. Troisième épisode, une médecine organisée mais impuissante. Dans le monde entier, les médecins ne disposaient d'aucun argument valable, ni de véritable thérapie, que ce soit par le recours à la philosophie naturelle, à la physique ou à l'astrologie. Certains, pour gagner de l'argent, allaient visiter des patients, mais du fait de la mort de ces derniers, ils démontraient que l'art médical était factice et non point vrai. Et par remords de conscience, ils se mirent à rendre l'argent qu'ils avaient pris indûment. Matteo Villani. Alors oui, c'est vrai, ils étaient ignorants, mais tout le monde l'était face à moi, puisqu'on m'avait oublié. Et ce n'est pas étonnant, puisque ma dernière apparition, qu'on a appelée « peste de Justinien », remontait à 541. Je me souviens, pendant 200 ans, j'ai fait des ravages dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'est vrai, au XIVe siècle, quand je suis revenue, les médecins ne savaient absolument pas comment me soigner, même s'ils avaient compris plein de choses. Mais je dois dire que je ne les ai pas épargnés. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire du Moyen-Âge. Joël Chandelier, il est médiéviste et il est spécialiste de l'histoire de la médecine arabe et de ses liens avec la médecine italienne. Mon professeur de l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, m'a proposé de travailler sur un médecin italien qui s'appelait Gentile da Foligno et qui a la particularité d'être mort de la peste en 1348. Donc c'était la première chose pour moi sur ce personnage, c'est qu'on savait très bien qu'il était mort de la peste et qu'il avait eu le temps, juste avant de mourir, d'écrire deux petits traités pour ses compatriotes de Pérouse, où il était prof à l'université, en leur demandant, en leur disant comment ils pouvaient éviter de tomber malade et éventuellement se soigner s'il l'était. Et dans ce deuxième traité, à la toute fin, il y a un petit ajout indiquant en mai, voilà ce que j'ai essayé et ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, donc on voit qu'il est en train d'essayer de trouver des remèdes à la maladie. Ça s'arrête brutalement, et il y a une petite note à la fin du traité, écrite par son élève, qui s'appelait Francesco da Foligno, et qui dit, à ce moment, le professeur s'est arrêté, nous sommes au mois de juin, il est tombé malade, après 6 jours d'agonie, il est mort, et il a été enterré dans la foulée. C'est l'air qui empeste. Tels qui se croient indemnes, sentent un jour grossir une bosse sous le bras, aux aisselles, voient la jointure des jambes. Haleine, il vomit du sang, il brûle de fièvre. 3 jours après, il est mort. Pas un malade n'atteint le 4e jour. La peste noire! Dès les premiers temps de la pandémie, les nouvelles se propagent très vite puisque des villes préviennent d'autres villes de l'arrivée d'un danger épidémique. Elle, c'est Marilyn Nicou. Elle enseigne à Avignon et elle est spécialiste de l'histoire de la médecine au Moyen-Âge, en Italie et ailleurs. Et récemment, elle a travaillé sur la médecine face à la peste. Et les médecins, il y a toutes les réactions un petit peu possibles. Alors, il y a celles que transmet souvent la littérature de cette période, qui ont tendance à dire que les médecins sont les premiers, comme les populations, à fuir l'épidémie, à ne pas tenter de soigner les malades. Il y a ceux, et on en connaît quelques-uns, qui sont manifestement morts en 1348, morts pour avoir soigné des patients. Et puis un certain nombre d'entre eux réagissent aussi par une production intellectuelle, par une réponse scientifique, c'est-à-dire par des textes qui essaient d'expliquer le phénomène épidémique, qui essaient de tenter de trouver de premières solutions, de premiers conseils, et qui sont délivrés aussi bien à des confrères qu'à des autorités publiques ou encore à des individus qui les leur demandent. Donc il y a ce souci du conseil face à une maladie que l'on sait à ce moment-là très rapidement mortelle et qui ne répond pas complètement au schéma qu'ils connaissent et qui met vraiment en échec les thérapies préconisées. Et que faire si c'est la fin du monde? Si le jugement dernier est proche, Dieu nous le dira. I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS, and save lives. C'est vrai que les médecins étaient perdus. Leur savoir et leurs remèdes étaient inutiles. Bon, il faut dire que j'avais fait les choses en grand, mais ils essayaient. Et d'ailleurs, tous les médecins du monde essayaient. Dans le monde islamique, il y en a au moins 3 qui, en 1348, ont écrit des traités sur la peste. L'un d'entre eux, Ibn al-Khatib, qui l'a écrit donc un peu après, mais qui lui-même a été vivant en 1348, donc il a assisté à la peste, et qui du coup, lui, a par exemple une approche extrêmement médicale. Il est très rationaliste, on pourrait dire aujourd'hui, où il essaie d'expliquer de manière tout à fait terre à terre qu'est-ce que c'est comme maladie, d'écarter les interprétations, disons, théologiques ou juridiques, et de se concentrer sur la maladie en tant que telle. Vous en avez d'autres, par exemple un médecin d'Alep, Ibn al-Wahbi, qui, lui, écrit en 1348, d'ailleurs il va mourir de la peste un peu après, et qui, tout en décrivant la peste, tout en décrivant les remèdes des médecins qui sont appliqués, s'en remet vraiment nettement à Dieu. Finalement, on n'essaye pas de... fait plus une description de la maladie, de ses origines, de son évolution, sans réellement tenter de trouver des solutions. On a aussi des historiens. L'un des plus connus, c'est Ibn Khaldoun, hein, qui est un des grands penseurs islamiques de la deuxième moitié du XIVe siècle, dont les parents sont morts de la peste, a priori, et qui lui a assisté à plusieurs épidémies de peste. Une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient dans une époque de décadence et approchaient du terme de leur existence. Elle brisa leur force, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes. Les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruines, les chemins s'effacèrent, les monuments disparurent. Les maisons, les villages restèrent sans habitants, les nations et les tribus perdirent leur force, et tout le pays cultivé changea d'aspect. Ibn Khaldoun. L'image est surréaliste. Des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. On a des centaines de traités sur la peste, hein, qui sont de différents types. Nicolas Veil-Paro, lui aussi, il est médiéviste. Et il a fait un article sur comment les médecins n'ont pas basculé dans l'irrationnel avec la peste. Et en fait, c'est pour ça qu'on est allé le voir. Mais l'un des premiers et les plus importants qui a souvent été copié, hein, donc qui a souvent inspiré très souvent, c'est l'avis de 1348, demandé par le roi de France, Philippe VI, au médecin de la faculté de médecine de l'université de Paris, avant l'arrivée de la peste. Il leur a demandé un avis. Et ils ont rendu donc cet avis détaillé, qui s'interroge sur les causes, qui montre ce qu'on peut faire pour se préserver, etc. C'est le fameux compendium des maîtres parisiens qui a été plusieurs fois transmis, hein, par le biais de différentes copies manuscrites, qui a été traduit aussi en langue vulgaire, puisque la langue des savants de l'époque, la langue intellectuelle de la médecine, c'est le latin. Et gensum manum multo fuitil ludinaris puris, ut equit lus quodura creasset. Nous tous et chacun de nous, maîtres du Collège de la Faculté de médecine de Paris, conformément aux ordres de notre très illustre prince et de notre sérénissime seigneur et maître Philippe, roi de France, et désireux également de pourvoir au bien public, nous avons résolu de faire un court exposé des causes de l'épidémie, causes générales et éloignées, particulières et prochaines, ainsi que des remèdes les plus efficaces, autant qu'il est permis à l'esprit humain de connaître la nature de cette maladie. Nous appuyons pour cela sur les paroles des plus illustres philosophes de l'Antiquité, ainsi que sur les opinions plus certaines des savants modernes, astronomes ou médecins, et comptant aussi sur l'aide de Dieu. Dès avril 1348, Jaume d'Agramont, qui travaille à Lérida, qui est un médecin de la cité, écrit aux autorités et dit qu'il faut diffuser ce texte auprès des populations pour les mettre en garde. Et il l'écrit directement en catalan, signe là aussi d'un souci de vulgariser, de diffuser le plus largement possible le maigre savoir dont il dispose. Et du reste, il fait partie de ceux qui n'échapperont pas à l'épidémie au moment où l'épidémie arrive en ville. civile. Ça reflète bien, je pense, d'un côté, le souci qu'ont les autorités publiques de tenter de trouver une réponse scientifique à l'épidémie, et de l'autre, le souhait des médecins de répondre à cette attente qui est aussi pour eux un défi intellectuel, en fait, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de véritables solutions. Donc, il y a cette connexion très forte entre milieu médical et milieu politique. I ask all of you to be safe by following medical scientific advice and taking simple practical steps such as thorough hand washing and other recommendations by health authorities. And together, let's be smart and fight COVID-19 in solidarity as United Nations. Thank you. On sait qu'à Avignon, le pape, la peste arrive dès l'hiver 1347-1348, reste plusieurs mois dans la ville, fait d'énormes ravages. On connaît les lettres de Pétrarque et puis d'autres témoignages écrits qui l'attestent. Et le pape décide d'ouvrir une nouvelle aire cimetériale parce que le cimetière ne suffit pas et qu'il faut enterrer au plus vite les morts. Ça fait partie justement de tout ce que dit la littérature médicale, à savoir que ces cadavres qui jonchent les terrains, qui jonchent même également les terrains de bataille, sont autant de matières putrides qui sortent du corps, qui se décomposent et qui sont un facteur d'empoisonnement de l'air. Il y a à peu près 45 minutes de décontamination à l'hôpital. Ensuite, en rentrant, on va devoir aussi laver nos tenues, faire l'hygiène corporelle, reprendre nos tenues propres pour être à nouveau disponible. Il y en a pour à peu près une heure avant d'être disponible pour d'autres interventions. À partir de 5 heures, il n'y avait plus personne dehors parce qu'ils ont désinfecté la ville entière. Faut chasser les humeurs tristes. Ça fait partie aussi, par exemple, du fait d'interdire de faire sonner des cloches pour annoncer de nouveaux décès à l'intérieur des villes. On le voit dans certaines villes italiennes. On sait aussi qu'on faisait brûler dans certaines villes des feux odoriférants pour transformer la putréfaction de l'air. Il y a des interdictions de marché, des interdictions de circulation de population aussi, que l'on voit préconiser en Italie sous la forme de cordons sanitaires. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne. Cela correspond aussi à ce danger que soulignent les médecins de l'arrivée de populations qui viennent de zones contaminées, qu'il faut éviter parce qu'ils sont possiblement porteurs de la maladie. Ambiance de ville fantôme. La ville est entièrement confinée. Les gares et aéroports sont fermés. Plus personne ne rentre ou ne sort. Et se met en place aussi, alors, ces bollettini dans les années 1370. Ce sont des autorisations de circulation qui sont délivrées par des instances publiques. Puis, une fois que la peste est arrivée dans la ville, ce qu'on appelle les serate delle case, c'est-à-dire on enferme les individus à l'intérieur des maisons pour éviter qu'ils ne sortent, pour éviter qu'ils ne propagent la maladie, et progressivement se mettent en place aussi à l'extérieur de la cité des lieux temporaires d'isolement où on déplace les populations avant qu'on ne construise véritablement des lieux de quarantaine. The lockdown is announced at 2 a.m. on January 23rd. Yang is told to return to Beijing before it comes into force the next morning. Je me souviens, à Bruges, on bouclait les portes de la ville. À Avignon, le pape faisait crier des instructions par les rues, de manger sainement, de se tenir éloignés les uns des autres et de renoncer à la luxure. À Venise, ils ont créé un conseil sanitaire et un règlement de peste. Et à Orvieto et à Avignon, ils ont payé un prix d'or pour faire venir les médecins qui rassemblaient tout leur savoir pour tenter d'y voir plus clair. Disons que la médecine médiévale, la médecine scolastique, la médecine qui est enseignée à l'université à partir du XIIIe, c'est une médecine qui s'appuie sur Galien, le grand médecin grec du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire l'agencement du chaud, du froid, du sec et de l'humide. L'exemple simple étant que si vous êtes enrhumé, que vous avez un excès de froid, vous allez prendre une médecine chaude pour rétablir l'équilibre complexionnel. Voici 3 ans, Jupiter, Saturne et Mars étaient dans la même maison du ciel. Voici 6 mois, Mars était dans la tête du dragon. Tout cela n'annonçait rien de bon. Le mal vient d'Asie, dit-on, où il était plus ancien que la conjonction des astres. Alors que se passe-t-il en 1348? Les médecins, alors en particulier les médecins de la faculté de Paris, consulté par le roi Philippe VI, juste avant l'arrivée de la peste dans la capitale, se réfèrent, ils disent que les astrologues disent que la cause lointaine de cette épidémie est la conjonction des trois planètes supérieures, Saturne, Mars et Jupiter, en 1345. Et c'est ça qui serait vraiment une peste. Alors, évidemment, cette étiologie peut nous sembler surprenante, dépaysante, mais elle a un sens. D'une part, ces médecins s'appuient sur un traité d'Albert le Grand, un commentaire d'Albert le Grand, et dans ce traité, Albert le Grand avait effectivement mentionné la corruption de l'air qui pouvait être provoquée par la conjonction des planètes supérieures. Mais, en dehors de la source donc littéraire, scientifique, quand on regarde ce que disent les médecins, alors, ils disent que Jupiter, qui est une planète chaude et humide, a soulevé depuis la Terre l'eau et les vapeurs nocives, et que ces vapeurs nocives ont par la suite été embrasées, et tout cela, alors je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, il n'y a pas d'influence mystérieuse, l'air est corrompu, et évidemment, comme il est inhalé par le corps humain, eh bien, cet air est comme un poison, et donc empoisonne les corps. C'est ça l'explication. Moi, je savais bien que les médecins se trompaient, malgré toute la logique qu'ils déployaient. Et je voyais bien qu'ils tentaient de ne pas céder à la panique, de garder leur sang-froid, de ne pas se laisser aller à la magie ou à la superstition, et qu'ils essayaient de supporter de n'avoir aucune réponse et de rester organisés. Il y a une sorte de sidération, je dirais, du corps médical. Mais la peste arrive au moment où la médecine est parfaitement installée. C'est-à-dire qu'elle a à la fois une armature institutionnelle, l'université, et une armature théorique. Et qu'elle s'est bien efforcée de se distinguer de toutes les pratiques de charlatans, d'affirmer sa rationalité interne. Et là, 1347, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de basculement vers l'irrationnel. En aucun cas. Il n'y a pas du tout de fuite échevelée vers l'idée que c'est le châtiment divin, etc. Alors, la cause divine peut être évoquée comme cause lointaine. Oh oui, peut-être que Dieu peut faire. Mais eux, en tant que médecins, ils doivent s'occuper de la cause proche. Et ils ont tenu bon, beaucoup de médecins qui sont morts, en allant au chevet des malades. Où voulez-vous en venir, Maître Pierre ? J'en viens à ce que les médecins sont peu nombreux, Saint-Père, dans nos villes, mais qu'ils ne sont pas stupides. Encore faudrait-il qu'ils puissent analyser autre chose que les humeurs liquides et autres urines. Voir ce qu'il y a de corrompu dans les corps des fidèles défunts serait du plus haut intérêt. Quels sont les organes atteints ? Il y a des médecins partout, formés à l'université, qui ont lu les textes antiques de Galien et d'Hippocrate notamment. En Occident, ils ont lu les auteurs arabes traduits depuis le XIIe et le XIIIe siècle. Et donc, ils ont tout un arsenal explicatif et thérapeutique que du coup, ils mettent immédiatement à profit en écrivant des traités. On a des centaines de traités de peste immédiatement rédigés, que ce soit dans le monde islamique ou dans le monde latin. Mais quand on les compare, il y a énormément de points communs parce qu'en fait, ils ont les mêmes sources. Oui, les mêmes sources, peut-être, mais toujours pas la moindre idée de comment me faire face. Ils tâtonnaient, tentaient des traitements, identifiaient certains mécanismes, mais au moins, ils étaient parfaitement capables de me reconnaître. C'est une fièvre maligne qui tient à la corruption du tempérament du cœur. Cette fièvre est plus souvent mortelle et s'accompagne d'une sensation de lassitude et de sueur qui survient par accès, suivie d'angoisse. L'épuisement apparaît le deuxième jour, la fièvre monte, les bubons sont souvent accompagnés de frissons. On peut aussi voir survenir des étourdissements, des syncopes, des vomissements de bile qui se répètent continuellement. Il y a souvent, au début, des crampes, des sensations de froid dans les extrémités, des douleurs atroces sous les omoplates, puis la langue noircit et les gencives gonflent. Ibn Hatima. Très rapidement, la maladie est perçue comme un empoisonnement du corps. Donc le principe face à l'empoisonnement, c'est essentiellement d'expurger hors du corps cette matière venimeuse qui est le poison. Et donc très vite, et dès les premiers textes rédigés au printemps 1348, on voit ces principes d'évacuation évoqués dans les régimes sous forme d'incision, et en particulier d'incision des bubons. On préconise de saigner les veines qui sont à proximité des bubons sur le corps. Et donc c'est essentiellement un ensemble d'emplâtres, de tas de choses qui sont censées faire suppurer les plaies qui vont être utilisées jusqu'à l'époque moderne. Essentiellement, les médecins disent qu'il faut assécher le corps. La peste est un excès d'humidité, donc les médicaments qui assèchent le corps. Pour traiter les bubons, on suggère de mettre du bol d'Arménie, donc qui est une terre, disons, argileuse. On propose de recouvrir les bubons pour aider la suppuration et l'évacuation. Donc ce genre de conseils qui c'est vrai aujourd'hui nous paraissent un peu dérisoires, mais malgré tout les médecins essayent, testent des choses. Et oui, ta peinture, cela me donne une idée. Si je faisais une espèce d'onguent protecteur contre la peste, un produit qui couvrirait la peau. Gavin, trouve-moi un peu d'aloès et de la myrrhe. Et rien d'autre? Non, si, un peu d'ambre. Ah voilà, j'ai des éléments. Donc, ce qu'on pouvait faire brûler hein, comme type de substance, par exemple des bois secs et odoriférants pour corriger la nature corrompue, mauvaise de l'air, et puis des remèdes particuliers, ce qu'on appelle les empiricas. Il y a ceux qui sont à la fois des médicaments et des aliments, comme le vinaigre, des médicaments simples et composés, alors notamment le bol d'Arménie, les remèdes merveilleux type amulette, on a l'utilisation d'émeraude, donc on va réduire en poudre cette substance, l'émeraude. Et puis, l'autre manière de les prendre, c'est évidemment d'utiliser en amulette, c'est-à-dire d'utiliser leur pouvoir de proximité. Donc ça, c'est le cas, par exemple, d'un régime de la peste d'un certain Cardo de Milan, 1378, qui conseille à l'homme qui est puissant et riche de porter au doigt une escarboucle ou un rubis. L'escarboucle ou le rubis sont réputés chasser les vapeurs empoisonnées. Mais on trouve des procédés, peut-être un peu plus ruraux. Alors, je l'ai souvent cité dans un traité de 1405, je vous lis. Il faut prendre un coq noir et vivant, déplumé autour de l'anus et ayant l'anus fendu. Il faut le mettre sur le bubon et le tenir là pendant un septième d'heure. Et ensuite l'enlever et mettre de nouveau un autre coq de la même manière à cet endroit, en continuant pendant toute une journée. En effet, le poison est attiré vers le cœur du coq s'il y a de la substance nocive. Voilà pourquoi le coq meurt immédiatement et aussitôt. Ça vous fait rire. Évidemment, généralement, quand je lis ce passage, je l'ai souvent, ça pour voir qu'évidemment, l'hilarité de l'auditoire. Et ça l'est encore plus hilarité quand je dis, mais vous savez, c'est rationnel, d'une certaine manière. Il y a une rationalisation parce que, au fond, on considère que, de même que l'aimant a la propriété d'attirer le fer, eh bien, l'anus du coq a la propriété d'attirer le poison contenu dans le bubon. Et alors si on en vient à la question de la contagion, Marilyn Nicou, alors on a beaucoup dit voilà, qu'au Moyen-Âge, ils ne savaient pas du tout comment se transmettait la peste, ce qui est vrai, mais on a dit aussi qu'ils ignoraient complètement que cette maladie était contagieuse, ce qui est probablement faux. Le terme de contagion définit une forme de souillure et définit aussi une forme de contact qui n'est pas la contagion telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est un contact qui peut être à distance. Je vous regarde et en ce moment, je suis en train possiblement de vous contaminer. Je peux aussi vous contaminer par le toucher, je peux vous contaminer par l'expectoration de gouttelettes, de salive, etc. Donc la contagion existe et on trouve ce terme utilisé dans les textes médicaux et ce, dès le milieu du XIIIe siècle et même dans des textes précédents du reste pour d'autres pathologies. Les textes sont très clairs, tous ces régimes, ces traités de temps de paix sur le fait que lorsqu'on soigne un malade, il ne faut pas s'approcher de lui, qu'il faut éventuellement placer le lit assez haut et tout près d'une fenêtre, se protéger de l'air malsain. On sait qu'il conseillait de ne pas fréquenter des lieux de promiscuité, les bains, parce que les pores de la peau s'ouvrent, se dilatent et peuvent exhaler justement ces matières putrides hors du corps. Les lieux comme les offices, hein, les églises, parce qu'on y rencontre beaucoup de gens. J'ai observé que parmi les habitants du souk El Halk à Almeria, où l'on revend les vêtements et la literie des malades morts, rares sont ceux qui ont échappé à la maladie. Ibn Hatima. Certains médecins vont dire c'est par exemple le climat, hein, il fait trop chaud, ou il y a des vents mauvais qui viennent d'une région dangereuse, où on a laissé des cadavres pourrir en décomposition, et ça pourrit l'air qui ensuite rend les gens malades. Mais d'autres médecins disent il y a d'autres possibilités. Un malade exhale en respirant par les pores de sa peau de l'air pourri, on va dire, et si on le fréquente trop, eh bien on finit soi-même par être contaminé. Donc voilà, il faut un petit peu raison garder, me semble-t-il, dans l'opposition systématique entre une rationalité politique qui aurait compris la contagion et des médecins uluberlus qui sont restés dans une étiologie classique de la maladie et qui ont en gros rien compris au film qui se passait. Comment peut-on soutenir que la contagion existe alors que la parole révélée le nie? Eh bien, nous répondons que la contagion existe. Et que c'est confirmé par l'expérience, par la recherche, par l'intuition, par l'observation et par de très nombreux témoignages qui convergent. En un mot, des preuves. Ibn al-Khatib. J'aimerais tant voir votre visage. La mort n'a pas de visage. Jusqu'au moment de ta propre mort, je ne suis que l'un de ces nombreux messagers. C'est vrai, la contagion, la plupart des médecins, s'ils ne l'expliquaient pas, ils l'avaient constatée, que ce soit en Orient, en Occident ou en Afrique du Nord. En Occident, vous avez les flagellants, vous avez des choses comme ça, vous avez des massacres aussi de populations, notamment des Juifs accusés d'avoir empoisonné des puits. On n'a pas vraiment ça dans le monde islamique. Ça devrait être vu comme une sorte de preuve d'une... ou bien une culture, disons, scientifique, rationnelle plus développée, ou bien, disons, une meilleure maîtrise sociale. Ça a parfois été interprété en sens inverse, avec une espèce de manière très condescendante, dans une perspective orientaliste, en disant c'est le fatalisme oriental. Après tout, ces gens, de toute façon, l'homme est fait pour mourir, Dieu décide de tout, donc il n'y a pas de raison d'agir d'une manière ou d'une autre. On laisse les choses se faire. Ça, c'est vraiment une vision très très négative, qui est née en fait en réalité au XVIIIe siècle, au moment de l'orientalisme. Dans cet espace, disons, la culture dominante, les élites dominantes sont des élites qui ont une formation, disons, juridico-religieuse et qui ont du coup un rapport un peu différent avec l'arrivée de la maladie. Pourquoi ? Ils ne sont pas du tout contraires à la science et encore moins à la médecine. Mais ils s'appuient sur des textes sacrés, que ce soit le Coran, mais surtout les traditions du prophète, les hadiths, où le prophète a parlé de médecine et de maladie. Et il a notamment prononcé quelques paroles un peu énigmatiques, disant, par exemple, pas de contagion, pas de superstition non plus, et également des réflexions qui disent que les gens qui meurent d'une épidémie sont comme des martyrs, et en fait c'est une miséricorde que Dieu leur fait que de leur donner la mort de cette manière-là. Donc ce sont des textes qui, évidemment, au moment des épidémies, les juristes se sont tournés vers ces textes et se sont dit, mais comment les interpréter ? Est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contamination d'homme à homme, comme le disent les médecins ? Est-ce que cela veut dire que, finalement, on doit être content d'être soumis à une épidémie et attendre la mort sereinement, et même presque avec joie, puisque la mort en martyr est une mort prestigieuse et bénéfique ? Eh bien, en réalité, ils vont mettre en avant le fait qu'il ne faut pas fuir, et il faut continuer à pratiquer ses devoirs religieux, notamment en aidant son prochain. Et donc, ça a été interprété par les historiens comme une des causes de la résistance des sociétés qui finalement ne se sont pas du tout effondrées et ont continué, malgré les morts très très nombreux, hein, des pourcentages impressionnants de décès, à fonctionner relativement normalement et sans explosion de colère ou de graves troubles à l'ordre public. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a tendance à projeter du passé des lectures pour notre temps présent. Mais je pense que l'observatoire que nous avons aujourd'hui nous permet aussi peut-être de reconsidérer avec plus de modestie, avec moins d'esprit de jugement, les solutions ou les représentations, les décisions qui ont été prises dans le passé, en se rendant compte que effectivement, on n'a pas automatiquement de réponse immédiate, que la médecine peut être mise en échec et puis chercher et trouver des solutions, mais que ça prend du temps et que le temps de l'épidémie, le temps de la santé, le temps du politique ne sont pas les mêmes. Certains de ces médecins disent et pensent que l'expérience va servir à l'avenir à trouver de nouvelles solutions. Voilà, donc prudence gardée, raison gardée face à l'expérience que nous avons aujourd'hui et le jugement que nous pouvons porter sur nos devanciers. Voilà, face à moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils pensaient à l'avenir et avaient compris qu'il fallait rester calme et ne pas céder à la peur. Mais ça, tout le monde n'a pas réussi à le faire. Et la peur, ça fait faire parfois des choses épouvantables. Merci à Marilyn Nicou, Nicolas Veil-Paro et Joël Chandelier. Lecture, Sarah Chomette et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehorse, Christophe Papon et Julie Garot. Mixage, Éric Boisset. Une médecine organisée mais impuissante, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Anne Pérez.